المسلمين ويا أيها طلبة العلم، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لما نحن عليه من خير، كوننا نوفق لمجالس العلم ومذاكرته والحب والرغبة في الالتفاف والاحتفاء به وتتبع أهل العلم بسماع أشرطتهم، قراءة كتبهم. هذه نعمة عظيمة، وندعو أنفسنا أن نستزيد من هذه النعمة التي هي من أعظم أسباب ثبات الإنسان على مثل هذا الخير، أن يكون على طريق الاستقامة، على طريق لزوم الكتاب والسنة، بسير سلف الأمة، أن يكون ملازما لغرز العلماء، حريصا على ما فيه الخير في دنياه وفي أخراه. وكل واحد منا لو تأمل حال نفسه كيف كان من قبل وكيف وفقه الله عز وجل بهذا الخير، علم عظيم نعمة العلم، وأنه كلما ازداد درجة في العلم ازداد بفضل الله مرتبة في الدين وقوة في الاستقامة. وهذا كما سبق يدعونا أن نزيد في هذا الاجتهاد وهذا الحرص، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنبه على أمر واحد، وإلا فأبواب العلم كثيرة، أبواب العلم كثيرة، ولكن أنبه على أمر آخر نحتاجه كثيرا في سيرنا في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاجه في تحصيل العلم، ونحتاجه في العمل به، ونحتاجه في الدعوة إليه، وفي تعاملنا مع من حولنا في هذا المجتمع الواسع القريب والبعيد. هذا الأمر هو أمر الرفق. وتعرفون حديث عائشة العظيم الذي رواه الإمام مسلم وله ألفاظ كثيرة، وفيه قصة كيف أن عائشة ردت على ذاك اليهودي حين سلم بسلام فيه شيء من الهمز واللمز والطعن، فقال: السلام عليكم يا رسول الله أو يا محمد. قالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. غضبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: أما سمعت لما قال يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. انظروا إلى هذا الحديث وهذه التربية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع من؟ مع زوجته عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، وضد من؟ اليهود، أعدى أعداء الإسلام والمسلمين، ومع ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بالرفق. وهكذا نحن نحتاج في حياتنا كلها أن نمرر هذا الحديث العظيم. نحتاج إلى الرفق مع أنفسنا، نرفق بأنفسنا في تحصيل العلم، وليس معناه أن نتقاعس، لا، لكن معناه أن نستفيد من نصائح العلماء. حتى العلم يحتاج إلى رفق، فإن من عدم الرفق أن يدخل الإنسان فيه بشيء من التخبط، كما قال بعض الأئمة ويروى عن جماعة، جاء عن الزهري أنه كان يقول: من رام أن يأخذ العلم جملة فاته جملة. الذي يريد يأخذ العلم مرة واحدة يذهب عنه مرة واحدة. وهكذا كذلك في العمل بالعلم، فالله رفيق يحب الرفق. ارفق بنفسك، والدعوة إلى هذا العلم ارفق بنفسك. وما أحسن أن يسير الإنسان في حياته بهدوء وتأودة، ومن ذلك ألا تكون سببا لحصول الضجة. بعض الناس إذا حضر في بلد أو مسجد أو مكان تسمع ضجة، تأتي المشاكل وتأتي الفتن وتأتي الخلافات، أو يحب أن يتكلم قبل أن يتمكن من العلم، أو أن يأذن له أحد من العلم، من أهل العلم بالكلام، فله كلام هنا وكلام هنا، وفي فيسبوك وفي تويتر وتعليقات على اليوتيوب، وما تنظر، ما تذهب مكان إلا وتجد فوضى من فوضى هذا الإنسان. وكما قال بعض أهل العلم: الأصوات لا تصدر إلا من البراميل الفارغة. تعرف البرميل الفاضي والبرميل الملان، إذا ضربتهم البرميل الفاضي تضرب يعطي صوت قوي، وأما البرميل المليء ما يعطي صوت. فلا تكن من البراميل الفاضية، تعمل ضجة هنا وهنا وهنا، أو تكون مثل بعض الحشرات التي تأتي بعد المطر. نمل له جناح يسميه بعض العامة عندنا خلق ساعة، إذا جاء المطر يطير في الضوء بعد المطر بساعة، هكذا تجده يكثر فيعمل فوضى، يسقط في الماء وفي الأكل، ويأتي في عينك ويأتي في الضوء وفي الكتاب وفي كل مكان. لكن هل يعيش كثيرا هذا؟ ما يعيش كثيرا، اصبر عليه قليلا، ساعة وإذا به كله ميت تحت الضوء. فهؤلاء الذين يعملون الضجة والفوضى ينتهون بسرعة، يظهرون بسرعة وينتهون بسرعة. لكن الذي يسير بسير العلماء يمشي وهو هادئ، ما له صوت، يجمع العلم، يهتم بنفسه، بأولاده، بأسرته، يتأمل ويتدبر كلام العلماء. بعد فترة من الزمن تراه قد نبغ، إذا به ينفع المجتمع. وهكذا الرفق في معاملتنا لزوجاتنا، الرفق في معاملتنا لوالدينا. ليس أن يكون الإنسان سلفي بالكلام ثم أخلاقه سيئة مع والديه، سيئة مع جيرانه، سيئة مع زوجته، سيئة مع أولاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من خاصة أهلها في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد هذا ننتقل للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, Cheikh, il dit, les musulmans, les musulmans, les étudiants en sciences, on loue Allah Azza wa Jal qui nous a guidés vers la quête de la science, le fait qu'on se réunit autour de la science. On suit les savants, les gens de science, en écoutant leurs audios, en lisant leurs livres. On demande à Allah Azza wa Jal d'augmenter ce bien. Parce que ce bien, c'est une cause de fermeté et droiture. Et la droiture, et c'est une cause qui nous permet de s'attacher au livre et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il augmente ce bien et le fait qu'on soit attaché aussi aux ulama. Chacun de nous, s'il s'observe lui-même et il se compare à sa situation d'avant, il doit remercier Allah Azza wa Jal. Il doit remercier Allah Azza wa Jal et il va reconnaître le bienfait de la science. Il va voir que chaque fois sa science elle augmente, à chaque fois il monte dans les échelons. Il monte dans les échelons et sa force augmente dans la droiture. Et ça, c'est une chose qui nous pousse à augmenter encore ce bien. Il dit ici, j'aimerais rappeler une chose, une seule chose, ou sinon, ce qu'on peut dire au sujet de la science, c'est très nombreux. Mais ici, on va relever une seule chose. Une chose dont on a besoin pour acquérir la science, œuvrer avec cette science, et on a besoin pour la propager. On a besoin de cette chose, même dans nos agissements avec cette société large. C'est quoi cette chose? C'est le rifq. Al-rifq, la douceur. Chacun de nous connaît le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, dans l'histoire de ce juif qui a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Assalamu alaykum. Assalamu alaykum, qui ressemble à Assalamu alaykum. Sauf que le sens, c'est la mort sur vous. Donc c'est une parole qui est dans laquelle il y a du mal. Aïcha radiyallahu anha n'a pas supporté la parole de ce juif et elle a répondu wa alaykum assalam wal la'na ya ikhwat al qiradati wal khanazir, le sam est sur vous, la mort est pour vous, et la malédiction ô les frères des singes et des porcs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, c'est quoi cela? Elle a dit, n'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Allah est doux, il aime la douceur. Et il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas pour la dureté. Et la douceur, elle se trouve dans une chose sans qu'elle l'embellisse, et elle n'est retirée d'une chose sans qu'elle la rende mauvaise. Regardez cette éducation avec qui? Avec sa femme Aïcha radiyallahu anha, qui est elle la fille d'Abu Bakr radiyallahu anha. Contre qui? Contre les ennemis les plus ardents de l'islam. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné la douceur. Et une leçon dont on a besoin, on a besoin de cette douceur avec nous-mêmes d'abord, dans notre recherche de science. Cela ne veut pas dire que sois doux avec toi-même, ne pas avancer. Ou bien retarder. Mais on doit profiter des conseils des savants. Sois doux avec toi-même. Le cheikh, il dit, sois pas comme celui qui rentre dans la science يعني avec une certaine anarchie. الزهري رحمه الله il dit celui qui recherche à acquérir la science jumla, c'est-à-dire en bloc, en une seule fois, il le perd aussi en une fois, une seule fois. Et pareil dans l'œuvre de cette science, que c'est beau que l'homme marche dans sa vie avec calme et douceur, yani avec calme et douceur. Il ne doit pas être une cause de yani des bruits, dajja. Dajja en réalité c'est chahut. Il ne doit pas être cause des chahuts, yani dit à droite et à gauche. Il dit parmi les gens, ceux qui parlent, ils parlent tout le temps avant les savants. Tu vas trouver ces paroles sur Facebook, sur Twitter, sur des commentaires sur YouTube. Il va parler. Il va parler tout le temps avant que les savants, ils parlent. Et vous savez ce que les gens de science disent? Ils disent que l'aswat, les bruits ne viennent que de l'baramil al-farira. L'baramil al-farira, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est pas le seau, comme on appelle. Le tonneau, barakallahu, c'est le tonneau, exactement ça. Donc le tonneau vide, lorsque vous frappez sur le tonneau vide, là on entend. Mais si le tonneau il est bien rempli, hein, on n'entend pas. Donc ne sois pas parmi les tonneaux vides. Ou bien, comme certains insectes qui viennent après la pluie. Et Annie, c'est le genre de fourmi qui a des ailes. Et ce genre de fruit, une heure après, Annie, quand la pluie elle descend, elle tombe la pluie, et ben, il se propage. Il se propage et il est partout. Il tombe Annie, dans l'eau, il tombe sur les yeux, il tombe dans les livres. Ainsi de suite. Dès qu'il y a la lumière, il commence à tomber. Mais, remarquez qu'il ne vit pas longtemps. Il ne vit pas longtemps. C'est un petit moment, puis il disparaît. Ceux qui marchent derrière les savants, ils apprennent leur science. Ils n'ont pas de bruit. Ils marchent calmement. Et yani, ils suivent avec leur famille, leurs enfants. Et après un moment, tu vas entendre parler de ces gens. Tu vas entendre qu'ils ont yani, excellé dans la science. Ils sont devenus des gens bénéfiques pour la société. Et ça, c'est le cas de la douceur. Yani, la douceur aussi, elle doit être avec nos agissements, avec tout le monde, avec nos femmes, avec nos voisins, avec nos parents, ainsi de suite. Il ne suffit pas que la personne dise que je suis salafi, alors que ses comportements avec tout le monde, yani, ils sont mauvais. Non. Voilà. شيخ السائل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يدعو بالقنوت في كل صلاة فجر؟ إذا وجد غيره ممن يصلي صلاة على وفق السنة فاذهب إلى غيره، فإن كان لا يوجد غيره أو كان الذهاب إلى غيره فيه مشقة لبعد المكان، فهنا نصلي خلف مثل هذا ما دام الحمد لله مسلما، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر إذا لم يوجد البر، وهذا مخالف للسنة في هذا الباب، لكن الصلاة خلفه صحيحة والله أعلم. Thank you. Donc la question elle dit, quel est le jugement du fait de prier derrière quelqu'un qui fait dua al-qunut, hein, tout le monde connaît dua al-qunut, pendant la prière de l'Fajr. La prière de l'Fajr, il le fait tout le temps. Le cheikh il dit, si on trouve quelqu'un d'autre qui prie une prière en conformité avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani prie derrière lui, prie derrière la personne qui prie la bonne manière. Par contre, il dit, si tu ne trouves pas, ou bien tu trouves, mais le fait de se déplacer vers lui, c'est une chose yani, difficile, dans laquelle il y a une difficulté, là, tu pries derrière lui, de moment qu'il est musulman, car fait partie de la croyance des gens de la sunna, de consensus, yani, le fait de prier derrière chaque yani, barre au fadr. Comment on traduit ça? Pieux et pervers. Non. Donc derrière chaque personne, qu'elle soit yani, pieuse ou pervers, si yani, on ne trouve pas le pieux. إذا لم يوجد البر. شيخ هذا السائل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصح بها في طلب العلم في كل أنواع العلم؟ هذا يحتاج إلى مجالس ومحاضرات، ليس محاضرة واحدة. وأنصح بمحاضرات نافعة تربوية مفيدة لطالب العلم، الشيخ صالح آل الشيخ، مفيدة جدا، فيها بيان منهجية طالب العلم في دراسة الفقه والحديث والعلوم، وفي كذلك الكتب وتعامله معها، ومباحث أخرى كثيرة وهي موجودة الحمد لله في الشبكة، ممكن تستفيدون منها، وقد حضر لها وجمع لها جمعا لطيفا جميلا مفيدا. وعلى وجه الاختصار أقول، ينبغي لطالب العلم أن يتدرج في طريق العلم، في تعلم العلوم وفي الاستفادة من الكتب، وهذا من الرفق الذي أشرنا إليه، هذا من الرفق بنفسه وفي سيره في طريق العلم. فينبغي لنا أن نستفيد من نصائح العلماء الذين هم أكبر منا سنا وأكثر منا علما وأوسع منا معرفة ورسوخا وحكمة، نستفيد من نصائحهم. وهذا العلم الشرعي كغيره من العلوم تحتاج لخبرة من سبقك، فأنت تفتقر إلى خبرة من سبقك، لابد أن تستفيد من خبرات من سبقك في هذا الطريق. وأمر آخر أنبه عليه، وهو أنه لا تظن أنك إذا حصلت هذه الكتب وتلك الدروس والعلوم أنك صرت عالما، لا، أنت تحتاج إلى طريق طويل لتحصيل العلم، وطريق أطول منه لتحسن كيف تطبق هذا العلم مع نفسك، مع أهلك، مع المجتمع. وهذا هو الهدي والسمت الذي كان يأخذه طلاب العلم من العلماء، يأخذون العلم ويأخذون ماذا؟ الهدي والسمت. الهدي والسمت هو كيف تضع كل شيء في موضعه، مثل خبرة الطبيب. الطبيب يدرس 12 سنة في المراحل الأساسية إلى الثانوي، ثم يدرس 7 سنوات في الطب، ثم يدرس بعد ذلك 5 سنوات حتى ينتهي من التخصصات. هل حين يخرج من الطب يسمح له أن يأخذ السكين ويستلم أجساد البشر؟ ها، خذ السكين بسم الله ذبح الناس. لا، لابد تجلس مع من هو أعرف منك من الأطباء، تتعلم من خبرتهم وتجلس معهم فترة من الزمن حتى يأذن لك الطبيب أنك الآن أنت تستطيع أن تستلم أجساد الناس وحدك، أما قبل هذا ما تستطيع وحدك، لابد ترافق من هو أعلم منك. وهكذا طالب العلم يأخذ العلم ثم يبدأ يطبقه بمرافقة العلماء، يمشي مع العلماء حتى يأذن له العلماء أن يكون وحده. وبهذا بإذن الله توفق في طريق العلم. فالمسألة ليست مسألة كتب ومعلومات فقط، بل أشياء أخرى عظيمة ينبغي أن ننتبه لها. La question c'est quels sont les livres que vous conseillez aux étudiants en sciences dans tous les domaines de la science. Le cheikh il dit pour répondre à cette question il faut plusieurs assises, plusieurs conférences. Mais je conseille les conférences qui sont bénéfiques, éducatives pour la quête du savoir. Et yani, qui sont à notre cheikh Saleh al-Cheikh hafidhahullah ta'ala. Dans la méthodologie de l'étudiant en sciences pour apprendre yani, le fiqh et tous les ulum, toutes les sciences. Et comment, yani, comment prendre ces sciences. Et ces conférences sont disponibles sur Internet. Et le cheikh il a préparé un nombre de choses bénéfiques au sein de ces conférences. Il dit, mais là je rappelle certaines choses, d'une manière brève, il dit il faut le tadarruj dans la quête du savoir. Tadarruj, c'est-à-dire monter étape par étape dans la quête du savoir. Et aussi dans le profit pris des livres, c'est-à-dire dans l'apprentissage et aussi dans le comment profiter des livres. Là aussi, il y a des étapes. On doit profiter des conseils des savants. Ces savants qui sont plus âgés que nous, qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup de science, ainsi de suite. Et il dit, la science religieuse, elle est comme les autres sciences. Elle a besoin, celui qui la demande, il a besoin de l'expérience de celui qui l'a précédé. L'expérience de celui qui l'a précédé. Ne crois pas que si tu as acquis certains livres ou ces livres yani, que tu es devenu, ça y est, tu es devenu un savant, tu as besoin d'un chemin très long et encore un autre chemin encore plus long pour yani, appliquer, avoir la manière d'appliquer cette science. Et c'est ce que les salafs appelaient al-hadyu wa samt. الهدي والسمت شيخ السمت يعني شرح بسيط فقط بسيط يعني طريقة يعني تستطيع تقول بمعنى آخر الطريقة والإقدام والإحجام. نعم طيب دونك الهدي والسمت ستجر يعني la manière la guider et la manière. C'est-à-dire le hadi, c'est la science, et samt, c'est à quel moment tu avances cette science, à quel moment, comment tu la présentes, à quel moment tu la... comment présenter cette science. Et il dit, c'est le fait de poser chaque chose à sa place. Il dit, regardez le médecin. Il fait d'abord 12 ans d'études. Ça, c'est entre primaire, collège et lycée. Et après, il fait encore 7 ans d'études. Et si yani, il veut se spécialiser encore, il lui faut encore 5 ans après ses 7 ans. Et quand il finit, est-ce qu'on lui donne yani, est-ce qu'on lui permet tout de suite d'exercer sur les corps des gens? Non. Il faut qu'il s'assoie avec les médecins. Il faut qu'il fréquente les médecins qui ont plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience que lui. Et ils apprennent avec eux jusqu'à ce que le médecin qui a l'expérience, il lui permet et lui dit, tu es capable maintenant d'exercer sur les corps des gens. Pareil pour Talib al-Ilm. Il doit rester avec les ulama. Il ne doit pas se détacher jusqu'à ce que les ulama eux-mêmes ils lui permettent et ils lui disent que maintenant, tu as la capacité. Tu as la capacité d'être tout seul. Donc la question, ce n'est pas une question d'acquérir des informations ou de lire des livres simplement. Et la question, elle est beaucoup plus grande que cela. السائل يقول هل ممكن أن تحدثونا عن ما أدهشكم في سيرة الشيخ مقبل كيف كان أثر دعوة الشيخ في اليمن الشيخ المقبل رحمه الله تعالى كغيره من العلماء الذين جدوا واجتهدوا في طريق العلم والدعوة فأظهر الله عز وجل صدقهم في واقع دعوتهم وثمرة علمهم ومثله رحمه الله تقصير أن يكون الكلام في سيرته من مثلي وفي مثل هذا المقام أحيلكم إلى مؤلفات كثيرة ذكرت جوانب كثيرة من سيرة الشيخ وحياته العلمية والعملية رحمه الله رحمة واسعة وينبغي أن نعلم أنه ما من إمام يرفعه الله عز وجل في إمامة العلم والدين إلا وكان له من الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة ما هو سبب تلك الإمامة كما قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأذكر شيئا على وجه الاختصار كان شيخنا رحمه الله في الحقيقة آية في الجد والاجتهاد وحب العلم حتى وهو في بداية الطلب أذكر أن شيخنا وشيخ شيخنا محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله رحمة واسعة وهو ممن درس شيخنا مقبلا رحمه الله فحين نقرأ عليه نسأله أحيانا عن ما يعرف عن شيخنا فيقول كان شيخكم عندنا هنا في مكة وهو ممن كان يدرس في الحرم قال أعجوبة في حب العلم والاجتهاد فيه كان يدرس في معهد الحرم ويجمع العلم عن المشايخ ويدرس إخوانه في سائر يومه لا يفتر عن العلم حتى تعجب منه المشايخ من شدة حرصه على العلم والتعليم وجمعه حتى لما انتقل إلى المدينة ودرس في الجامعة أخذ شهادتان من كليتين في وقت واحد من شدة اجتهاده وتحصيله للعلم مع ما هو عليه من جمع العلم من المشايخ ومذاكرته مع الطلاب رحمه الله رحمة واسعة وهكذا كذلك في مركزه وكان رحمه الله كذلك آية في التواضع ولين الجانب والرفق مع شدته في مقامعة أهل الباطل حتى أن من يراه يتعجب بعض أهل الباطل ربما يأتون يريدون يناقشون الشيخ فحين يرونه ويرون أخلاقه ما يظنون أنه هو الذي تكلم في الأشرطة، تعجبون فيه من الحياء والتواضع شيء عجيب رحمه الله رحمة واسعة ولطف. ربما يأتي الطفل الصغير الذي لم يبلغ 6 سنوات وهو في درسه العام يريد أن يكلم الشيخ، فيقطع الشيخ الدرس ويوقفه ويطأطئ رأسه للصغير ويسمع منه ويعطيه حاجته أو يوجهه لما يريد ثم يواصل درسه. وربما خرج في بعض الليالي في منتصف الليل، يدلك على استمراره وحرصه على استغلال وقته بالعلم حتى هذا الوقت. ربما يخرج إلينا ونحن في المسجد، قبل أن نتزوج كنا عزاب في مسجده، مسجد مركز دار الحديث في دماج قديما، فيخرج في الساعة الثانية يتفقد الطلاب وينظر أحوال الطلاب ويسلم بتسليم بصوت منخفض ينبه الصاحي ولا يوقظ النائم. فإذا وجد أحدا يقرأ وجهه بما لا يضر بنظره، وإذا وجد أحدا منكشفا من البرد ستره، وهكذا بين الحين والآخر يخرج على الطلاب رحمه الله. ومن كذلك يدل مما يدلك على ما كان عليه رحمه الله من تواضعه لطلابه أنه كان يلين الجالب للضعفة، حتى أن كبار الناس إذا أرادوا أن يصلوا إلى الشيخ يجعلون الشفيع لهم ضعاف الطلبة وصغار الطلبة، فالضعفاء هم شفعاء رؤساء القبائل ومشايخ القبائل، إذا أرادوا أن يصلوا قالوا كلموا لنا أحد طلاب الشيخ، قالوا ما في إلا فلان صغير يقربه الشيخ ويدنيه، إما أن تجده طالبا يتيما أو من بلدة بعيدة ليس له أهل يقربه الشيخ ويدنيه كثيرا ويدعوه إلى بيته إما للطعام أو لغيره أو كذا، فيكون الضعفة هم من يشفع بخلاف العظماء، ما يشفع إلا المقربون من الكبار. وهذا يذكرنا بنبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا من يشفع لكم إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. ولا أدل كذلك على ما كان عليه هذا الإقبال العظيم الذي كان لمركز الشيخ، فلا يعلم أحد رحل إليه بمثل ما رحل لشيخنا رحمه الله، طلابه من كل الدنيا. كان يقول شيخنا ربيع حفظه الله: ما أعلم أحدا رحل إليه في اليمن مثل ما رحل للشيخ مقبل رحمه الله، حتى الصنعاني على إمامته وجلالته ما رحل إليه مثل ما رحل للشيخ مقبل رحمه الله، وصدق رحمه الله. وهذه والله أعلم ثمرة الإخلاص والصدق، ثمرة الإخلاص والصدق. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والصدق في القول والعمل، أن يعيننا على أنفسنا وأن نقتدي بعلمائنا، والله المستعان. Donc la question elle dit est-ce qu'il est possible que vous nous parlez des choses qui vous ont fasciné de la vie de Cheikh Mokben, et comment était l'impact de sa da'wa au Yémen. Donc le cheikh il dit, cheikh Mokbid rahimahullah, il est comme les autres savants, yani parmi ceux qui ont veillé sur la science, hein, et l'appel à cette science, Allah a montré leur sincérité, yani dans la da'wah, et dans le fruit de leur science. Et il dit, dans une telle assise courte, hein, et de la part de quelqu'un comme moi, ça fait partie de la modestie des cheikhs, il ne peut pas donner il ne peut pas parler complètement de ce sujet. Il dit, mais moi je vous dirige vers les livres qui ont mentionné cela. Il dit, il faut savoir qu'il n'y a pas un imam, un guide, hein, que Allah a élevé sans qu'il ait la patience et le sérieux avec lequel il atteint ce niveau. Comme Allah Ta'ala a dit, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons élevé certains d'entre eux au rang de chef pour, au nom d'imam, pour les diriger suivant nos ordres, aussi longtemps qu'ils se sont montrés persévérants et fermement convaincus de nos signes. Il dit le cheikh après, il cite quelques points, sur le cheikh, il dit, le cheikh c'était un... Comment on peut traduire ?Mais c'est pas dans le... C'est pas... Non, non, c'est pas le signe. C'était. Ouais, c'est pas un miracle, mais c'était quelqu'un qui. C'était un prodige, avec l'Ofix. C'était comme un prodige. C'était un exemple très élevé dans le sérieux et dans l'amour de la science. Même au début de sa quête de savoir. Il dit, je me rappelle que notre cheikh, hein, et le cheikh, l'un de ses chouyours, Mohamed ibn Abdullah Somali, il dit, on le questionnait sur notre cheikh. Hein, parce que le cheikh Mokbid Rahimallah, il a étudié chez le cheikh Mohamed ibn Abdullah Somali. Et le cheikh, il dit, on a questionné le cheikh Mohamed ibn Abdullah Somali aux questions de leur cheikh, de cheikh Mokbid. Et le cheikh Mohamed ibn Abdullah Somali, il avait dit, c'était un prodige dans l'amour du savoir et dans le sérieux. Il apprenait dans l'institut Al-Haram à Mecca, et le reste de la journée il enseignait ses frères. Il enseignait ses frères au point où les savants se sont étonnés de son cas, rahimahullah. Il dit, même quand il est parti à Medina pour continuer les études, il a pris deux diplômes de deux mahadin mukhtalifain, il a pris deux licences de deux instituts différents en même temps. Et il dit, et pareil dans son marquez, dans son centre à Damaj, rahimahullah, c'était aussi quelqu'un, un exemple dans la modestie. Dans la modestie et dans la douceur, malgré la dureté qu'il avait contre les gens de l'innovation, et il les réfutait, les gens du faux. Mais il était très doux. Au point où ceux qui voulaient débattre avec lui parmi les gens du faux, quand il venait, il s'étonnait. Et quand il voyait le cheikh, il voyait sa pudeur, il voyait sa douceur. Il pensait que c'était pas le même qui parlait dans les cassettes, qu'ils entendaient dans les cassettes et qui réfutaient leurs innovations. Et il dit, il fait partie de sa modestie aussi, parfois il dit le cheikh, pendant le dars, son dars général pour tout le monde, un enfant il peut venir même moins de 6 ans, s'il vient à un cheikh, et bien le cheikh il interrompt le cours, et il baisse sa tête pour écouter cet enfant, et il fait, il fait ce qu'il lui demande, puis après il recontinue son cours, rahimahullah. Il dit parfois même il sortait la nuit يعني très tard, la moitié de la nuit, 2h du matin, il sortait peut-être très tard, rahimahullah, pour venir au markaz, pour venir au centre. Et il dit, à l'époque-là, on n'était pas mariés, on dormait dans le centre. Et il dit, il vérifie le cas des tollabs. Il regarde, yani, les tollabs. Il vient, il passe un salam avec une voix basse pour prévenir celui qui est réveillé et pas réveiller celui qui est en train de dormir. S'il trouve quelqu'un en train de lire un livre, il le dirige, par exemple. S'il trouve quelqu'un qui est en train d'étudier, il le conseille. Et s'il trouve quelqu'un, mathalan, qui a perdu sa couverture, il le couvre, rahimahullah. Et il dit, parmi les choses qui te montrent sa modestie, c'est qu'il rapprochait les plus faibles. Il rapprochait... Non, il rapprochait les plus faibles. Et au point où les chefs de tribu, hein, quand ils voulaient, ils avaient besoin d'une chose de cheikh, ils ne passaient pas directement, ils allaient vers ces faibles-là que le cheikh, il rapprochait. Soit c'est un étudiant qui habite très loin, soit c'est un orphelin, ainsi de suite. Et tu le trouves, il les rapproche, yani même il les ramène chez lui, yani pour, il les invite à manger et tout ça. Et ça nous rappelle yani, comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on cherchait quelqu'un pour intercéder, on les a dirigés vers qui? Vers Osama ibn Zayd radiyallahu anhu. Et aussi, parmi les choses qui montrent yani, la véracité de la da'wah de Cheikh, c'est qu'il n'y a personne vers qui les gens ont émigré. Les gens, subhanallah, ils sont venus de partout. Hein? Ils ont voyagé pour apprendre la science chez lui. Le Cheikh, il dit, Cheikh Ona Rabi' Rahimahullah, donc notre Cheikh Rabi' Rahimahullah, il dit, je n'ai pas connu quelqu'un au Yémen vers qui on a voyagé plus que Cheikh Muqbil Rahimahullah, même l'imam al-San'ani, sur yani, sa science. Yani, on a pas voyagé vers lui comme on a voyagé yani, vers Cheikh Boukbin rahimahullah. Il dit Wallahu a'lam, yani, c'est le fruit de sa sincérité et sa véracité. هذا سائل يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة حامل 4 أشهر والأطباء يقولون لها إن طفلك يولد معوق, ماذا تنصح هذه أخت؟ بارك الله فيكم. إذا كان هذا بعد نفخ الروح فلا يجوز لها أن تسقط هذا الجنين, فليست روحها بأعظم من روح هذا المخلوق وهذا الجنين الذي قد نفخ فيه الروح, ولله حكمة, فإن شاء أحياه وإن شاء أماته سبحانه وتعالى, وإن أحياه معوقا فلله حكمة في ذلك, ربما يكون سببا في دخول هذه الأم الجنة, وأبواب الجنة كثيرة وأسبابها عديدة, وهو كذلك سبب لتذكر نعمة الله في الصحة والعافية, وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء. فلولا الظلام ما عرفنا فضل النور, ولولا المرض ما عرفنا فضل الصحة. فلا ينبغي للمسلم أن يخرج عن شريعة الله, نحن نسير مع الكتاب والسنة, نأتمر بأمرهما ونقف عند حدودهما وننتهي عما نهينا عنه فيهما, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذه المرأة وأهلها الخير في هذا الأمر وغيره, ولجميع الحاضرين والمسلمين. ولعلنا بهذا نكتفي, فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, وجزاكم الله خيرا, سامحونا على أي خطأ أو تقصير. توفيت وما زيادة. جزاك الله خير. نعم. Donc la question elle dit une femme qui est enceinte, sa grossesse est née à 4 mois. Elle est dans le 4e mois de grossesse et les médecins ils lui disent que cet enfant va naître et elle est handicapée. Qu'est-ce que vous conseillez cette sœur? Donc le cheikh il dit, si cela arrive après que le ruh elle est soufflé dans le fœtus, il n'est pas permis d'avorter. Il n'est pas permis d'avorter. Il dit son ruh à elle, sa vie à elle, elle n'est pas plus sacrée que celle du fœtus. Et Allah a la sagesse, a une grande sagesse. Si il vit, s'il décrit qu'il vit ou s'il décrit qu'il meurt. Donc il dit, et s'il naît handicapé, peut-être cet enfant va être la cause de son entrée au paradis. Et il dit, que ce genre de choses, le fait qu'il naît handicapé, c'est une cause pour se rappeler la santé. Ça fait partie des sagesses de l'épreuve. Parce que s'il n'y avait pas l'obscurité, on ne reconnaîtrait pas le bienfait de la lumière. S'il n'y avait pas la maladie, on ne reconnaîtrait pas le bienfait de la santé. Donc nous, on marche avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On applique les ordres et on s'arrête sur les interdits. Puis après, il demande à Allah Azza wa Jal d'écrire à cette sœur tout le bien, ainsi qu'à tout le monde. Et il s'excuse, Cheikh il dit, pour taqsir, s'il y a des manquements. Mais alhamdulillah, Cheikh il a fait ce qu'il faut, mais beaucoup plus que cela. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك